5. Comme au temps où le petit Yann eut le poignet à demi coupé dans la grève de Bruck, la mer monte par douces saccades, ou plutôt semble descendre vers nous du fond mystérieux de l'horizon. Le flot envahit les grandes prairies dorées avec une lenteur mesurée et en quelque sorte rythmique. Il balance les algues, redresse les goémons, promène sur les végétations marines sa belle ondée calme et réparatrice. Ah, ces gouttes de sang tombées de la main de l'enfant breton, la mer les a bues, comme bien d'autres. Qui sait pourtant si ce n'est pas elle, et non les varechs, qui font là-bas, sur les pierres, ces larges taches rousses. Mon père, au trou, en resta manchot, après une fièvre dont il faillit mourir. On pansa son moignon avec de l'eau de mer. Plus tard, on commanda pour lui, chez le forgeron de Trélévernes, le fameux croc auquel il doit son surnom. Il va sans dire que Yann et Grock grandit dans la haine des gabelous. La vengeance qu'il tira, jeune homme, du douanier qu'il avait mutilé, enfant, mérite d'être relatée. Ce douanier s'appelait Liscoat. Peu après l'aventure du coup de sabre, il avait quitté le pays. Des années se passèrent. Un beau jour, on apprit son retour au Port-Blanc, avec le grade de brigadier. Yann fut le premier prévenu. Il donna rendez-vous à quelques compagnons, et le brigadier Liscoat fut enlevé par une troupe de solides gaillards, une nuit qu'il faisait sa ronde, entre Roranic et Trestel. On le transporta, ligoté de cordes neuves, au moulin à vent de Trômeur. Kervégan, l'aïeul, était là, qui fumait sa pipe, à l'angle du foyer. « Ah ah, c'est toi, monsieur Liscoat, » dit-il avec sa bonne humeur, goguenarde. « Sois le bienvenu chez les meuniers. » Il alla à son armoire, en tira une vieille bouteille d'armagnac provenant d'un naufrage, et en remplit un verre qu'on fit boire de force au gabelou. « Maintenant, Yann, fais à ton gré, il est assez lesté, tu peux lui donner de l'air. » Le malheureux fut attaché à une des ailes du moulin, et toute la nuit, les ailes tournèrent, promenant dans l'espace, de leurs grands gestes de roues de torture, gémissantes et sinistres, le cadavre du brigadier. On le retrouva le lendemain, très loin de là, dans une lande. On attribua sa mort à une congestion et, ajoute Job Kervégan, d'un ton paisible, l'État fit une pension à sa veuve. Yann et Grock, dans les récits de son descendant, apparaît comme le génie même de la contrebande bretonne. Il a des inspirations qui déconcertent. Fils d'une race superstitieuse, superstitieux lui-même en ses moelles profondes, il exploite la superstition d'autrui, s'en fait un précieux auxiliaire. Poète, créateur de mythes, il imagine des légendes terribles, qu'il lâche comme une meute pour en écarter le passant à travers les chemins que suivent d'ordinaire ses convois de marchandises. Il les colporte en personne, il les propage, il feint d'en être le premier épouvanté. Des rouliers, le souper mangé, devise devant le feu dans l'auberge, tout à coup la porte s'ouvre d'une poussée brusque. Yann et Grock entrent, pâles, défaits, les cheveux en désordre. « Au nom de Jésus-Christ et de la Vierge, logez-moi. Pour rien au monde, je ne retournerai ce soir à Trômeur. » On s'empresse, on l'entoure, les questions pleuvent. Une vague angoisse lit d'avance sur toutes les physionomies, l'attente de l'extraordinaire, le frisson du surnaturel. Ce n'est pas un trembleur que Yann et Grock, pour qu'il soit ému à ce point. Le champ est ouvert aux suppositions les plus folles. Et qu'il en profite habilement, le satané luron, ménageant l'intérêt en artiste consommé. Voilà, je m'en revenais tranquillement de Kerbelven, où j'avais été touché le prix d'une mouture. Soudain, arrivé près de la croix du loge-loup, j'entends des cris, des appels, des plaintes. Je regarde, je ne vois rien. Une voix s'élève, plus distincte. « Yann, Yann, tes souliers sont durs, ne marche pas sur nous, tu nous fais mal. » En même temps, je sens une cuisson, comme si j'avais le feu aux jambes. Je me jette de côté, dans la douve, et alors, vous me croirez si vous voulez, alors je vois de petites flammes blanches courir sur la route et tourbillonner comme les feuilles mortes au vent d'orage. Au milieu de chaque tourbillon, une forme humaine se tordait, et c'était toutes ces apparences d'hommes ou de femmes qui poussaient les gémissements et les cris. Je dois être blême, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je ne sais, en vérité, s'il me restait une seule goutte de sang vivant dans les veines. Je marchais du pas d'un somnambule, me déchirant aux ronces des talus, me cramponnant aux ajoncs, tellement je défaillais, fermant les yeux pour ne point voir, et voyant tout de même, poursuivi tout le long du chemin par une affreuse odeur de chair roussie. Tenez, je la sens encore, mes vêtements en sont imprégnés. On venait le flairer à tour de rôle, et il se trouvait qu'il sentait, en effet, cette odeur de purgatoire. Dès lors, comme bien vous pensez, le chemin où Yann avait eu de ces visions horribles était classé parmi les routes suspectes, celles qu'un chrétien ne fréquente plus après certaine heure de nuit, sous peine d'être frappé par la folie ou par la mort. Les douaniers eux-mêmes, bretons pour la plupart, partageaient le sentiment général à l'égard de ces voies hantées et s'en tenaient autant que possible à bonne distance, en sorte que les fraudeurs y pouvaient circuler librement, en toute sécurité, protégés qu'ils étaient par la superstition la plus efficace des sauvegardes. 6. Vous a-t-on raconté le tour du cercueil, au trot ? Ah, elle est merveilleusement imaginée, cette histoire. Un lougre anglais avait débarqué à la côte, au fond de l'anse de Pélinec, un fort stock d'objets de contrebande, du drap, des dentelles, des ballots de tabac, des barils de rhum. Il importait de mettre tout cela au plus vite en lieu sûr et de le transporter à la Roche des Riens, où l'association avait son principal entrepôt. Or, la Roche des Riens est à 3 lieues de Pélinec. De plus, on perdait un temps précieux si on s'en tenait, en cette circonstance exceptionnelle, à la pratique ordinaire, qui était de suivre de préférence les sinueux lacis des sentiers de traverse afin de mieux dépister les gabelous. D'autre part, la grand route offrait bien des dangers. La surveillance y était active, continuelle. Enfin, quel moyen de transport employer ? Le plus expéditif était certainement la charrette. Cela permettait de ne faire qu'un voyage, de tout emporter en bloc. Mais c'était aussi courir le risque de se faire arrêter au premier kilomètre et de laisser toute la cargaison aux mains de la malte-hôte. On se réunit en conseil, l'affaire étant d'importance. Chacun ouvrit un avis. Quand tous eurent parlé, Yann et Grock sourit doucement. C'était signe qu'il avait trouvé le vrai joint. La proposition qu'il soumit à l'assemblée fut accueillie par des hurrahs d'enthousiasme. Il faut dire que c'était une idée de génie. Le jour même, elle fut mise à exécution. Yann et Grock se rendit au bourg de Penvénan et se présenta chez le menuisier le plus cossu de l'endroit. « Camarade, dit-il, je suis venu te commander un cercueil. Il y a donc quelqu'un de mort dans vos environs ?»« Ma foi, oui, et le plus bel homme du quartier. » Aussi faut-il que le cercueil soit de grande dimension et construit en planches solides. Qui est-ce qui paiera ? Je suis chargé de faire les conditions et de verser l'argent. Le mort commence à sentir mauvais. On voudrait que la mise en bière pût avoir lieu avant la nuit. Où devrais-je envoyer le cercueil ? Des hommes le viendront prendre à la brune, si toutefois tu es en mesure de le livrer dans ce délai. Le menuisier promit d'autant plus volontiers d'être prêt que Yann et Grock se montra tout à fait coulant sur le prix. Pendant ce temps, un autre fraudeur se transportait à Saint-Gonval et entrait en pourparlers avec le bedeau chargé de l'entretien de cette chapelle, aujourd'hui déchue de son ancien rang d'église paroissiale. Le bedeau se fit un peu tirer l'oreille, la chose était grave. Il ne s'agissait de rien moins que de prêter pour une nuit la croix d'argent à clochette, le drap mortuaire, une douzaine de cierges et les 4 fanaux qui accompagnent le dais les jours de grande procession. Après quelques tergiversations chez le bedeau, des offres de plus en plus tentantes de la part du fraudeur, le marché fut cependant conclu. Qui eût été cette nuit-là dans la hêtraie de Pélinec, dont les grandes masses sombres se mirent presque dans la mer, eût assisté à un étrange spectacle. Des gaillards, coiffés de suroîts pointus qui les faisaient ressembler à des moines en cagoule, arrimaient méthodiquement dans une bière colossale des objets de toute forme et de toute nature. Quand on voulut poser le couvercle, il se trouva qu'il ne fermait point. « Amarré avec des cordes, dit Yann et Grock, le drap mortuaire couvrira tout. » Et maintenant, c'est un spectacle plus étrange encore, un de ces cortèges fantastiques, comme il ne s'en déroule que dans les légendes ou dans les tableaux macabres. En tête s'avance le grand Yann, portant la lourde croix massive, solidement assujetti à son croc de fer. Il a passé sa chemise par-dessus ses vêtements. Il est tête nue, pieds nus. Les petites clochettes, au rythme de sa marche, tintent dans l'air, lugubrement. Puis vient le cercueil, soutenu par 10 hommes, et, de chaque côté, sont 12 adolescents portant des cierges, dont les flammes montent pâles, à peine vacillantes, dans l'atmosphère immobile de la nuit. À quelque distance suit un vieillard. Les 4 fanaux qui l'escortent promènent sur son front dénudé, sur ses longues mèches blanchissantes, de singuliers reflets. On dirait le crâne d'un squelette échappé d'un ossuaire. Un vague surplis couvre ses épaules et tombe presque jusqu'à ses talons. Il accomplit religieusement sa besogne de faux prêtre, tient les yeux fixés sur un grimoire qui lui sert de livre d'heures. Des femmes, des enfants cheminent derrière lui, pêle-mêle, et dans l'ombre grise, embrumée, qui déforme tout, choses et gens, entre les hauts talus qui estompent mystérieusement la route, ce bizarre convoi d'enterrement a bien l'air de sortir d'un autre monde, du pays lunaire et fantomatique de la mort. Yann Egrok avait une voix superbe. Par intervalles, il entonnait, en un latin de sa façon, un couplet de deuil, lugubre à faire frémir. Il avait des intonations caverneuses et cependant retentissantes, qui roulaient dans la nuit sonore, se répercutaient au loin d'échos en échos. C'était un chant si lamentable que, sur le parcours, dans les airs des fermes, les chiens se mettaient à hurler d'épouvante. Le silence, après chaque verset, semblait plus profond, et ce long défilé d'ombre plus terrifiant. Parmi les fraudeurs, même, plus d'un avait la chair de poule. L'idée de Yann commençait à ne leur plus paraître aussi drôle. Beaucoup pensaient « C'est une vilaine comédie que nous jouons là. Pour sûr, il nous arrivera malheur. » À Croisar-Brabant, il y eut une alerte. Quatre routes se croisent à cet endroit, et, comme tous les carrefours, le lieu a mauvaise réputation. Aussi, pour conjurer les sortilèges, y a-t-on érigé un calvaire à l'un des angles. Les fraudeurs venaient de se signer devant le Christ, quand tout à coup, sur le talus, les agents remuèrent. Des têtes parurent, puis des corps. C'étaient les gabelous, toute une brigade, mousquets au poing. « En joue !» commanda le chef. Et en même temps, ils sautaient sur la route. « Vous allez me dire ce que signifie ce cortège, à pareille heure, » fit-il en s'adressant à Yann. Celui-ci ne se démonta point pour si peu. Et c'est en excellent français, d'un ton d'autorité tranquille, avec une nuance de menace, qu'il répondit « Cela signifie, monsieur, que si, à l'instant même, vous ne donnez point à vos hommes l'ordre de présenter les armes, ainsi qu'il est d'usage quand passe un prêtre en surplis conduisant un mort, je vous rends responsable du scandale, et avant 24 heures, je vous fais casser. » Et Yann, entonnant un nouveau verset, se remit en marche, suivi de tout le convoi. Sans attendre l'ordre du chef, les douaniers avaient d'eux-mêmes redressé les canons de leurs fusils. La contrebande passa. On atteignit la roche des riens sans encombre. 6. Cette aventure fut d'ailleurs funeste à Yann Egrok. L'imagination de ses acolytes ordinaires avait été frappée. Ils avaient vu la mort de trop près. Surtout, le sentiment d'avoir commis un sacrilège leur était pénible. Leurs femmes, quand ils rentrèrent au logis, se récrièrent en leur trouvant des mines si pâles et si défaites. Ils devinrent mélancoliques, taciturnes, perdirent le goût du pain, séchèrent sur pied, glacés par le souffle de l'Ankou. Note. Personnification masculine de la mort en Bretagne. Fin de note. Qu'ils sentaient constamment sur eux. Il en trépassa dans l'année une dizaine. La même croix d'argent à clochette, le même drap mortuaire, les mêmes cierges qui avaient servi pour le « coup du cercueil » les conduisirent l'un après l'autre à l'enclos des tombes, dans la trêve de Saint-Gonval. Les survivants de la bande se rendirent un soir chez Yann Egrok, au moulin de Trômeur. Yann fumait sa pipe, assis sur la marche du seuil. « Je sais ce qui vous amène, » leur dit-il, avant même qu'ils eussent ouvert la bouche. « Vous venez m'annoncer que je n'ai plus à compter sur vous. C'est bien. Retournez à vos champs ou à vos barques. Grattez la terre avare, éventrez la mer stérile. Vivez et crevez en gueux. Cela vous regarde. Bonsoir. » Et il les congédia du geste, non sans avoir craché sur le sol en signe de mépris. Pour lui, il continua son métier de fraudeur jusqu'à son dernier jour. Ce dernier jour eut un caractère singulièrement tragique. Voici en effet en quelles circonstances disparut Yann Egrok. Je laisse la parole au fermier de Taféac. Il pouvait être environ 2 heures du matin. Je dormais avec 3 de mes frères en pagaille, dans un grand lit clos, au bas bout de la maison. Le père vint et nous réveilla durement. Il avait à la main la lanterne sourde dont il avait coutume de se munir quand il partait en expédition. « Ça, Jacques, Pierre, Job, levez-vous, » fit-il. « Vous allez m'accompagner. » Job, c'était moi, comme vous savez. Pierre et Jacques étaient les 2 aînés. Mon frère François, le 4e des 13 gars, qui couchait aussi avec nous, demanda « Vous n'avez pas besoin de moi ?»« Non, » répondit le père, « tu peux te recoucher. Seulement, si la mère, à l'aube, s'étonne de notre absence, tu lui diras que vers midi, nous rentrerons sûrement. À moins, » ajouta-t-il, après un silence, à moins d'accidents imprévus. Il faisait dehors nuit grise et triste, mais sans brume, et la mer éclairait. Le père marchait très vite et nous étions obligés de trotter pour le suivre. Il était songeur, préoccupé. C'était l'heure de la demi-marée. Notre barque était encore à flot dans la crique rocheuse où d'habitude on la mouillait. Quand nous fûmes à bord, le père, qui jusque-là n'avait pas desserré les dents, nous dit « Mettez-vous aux avirons et nagez en silence ». Mes frères me l'ont avoué depuis. À ce moment, ils eurent, comme moi, le cœur étreint d'une vague angoisse. L'oppression d'un malheur était sur nous. Le père, accoudé à la barre, regardait devant lui, au loin, de l'air d'un homme absorbé en des pensées graves. L'eau, à peine ridée, luisait d'un éclat mat, comme endormie. Nos rames ne faisaient pas plus de bruit que si on les eût plongées dans de l'étoupe. Comme nous tournions l'île Saint-Gildas, nous aperçûmes la silhouette d'un navire qui fuyait, grand largue. Les courants sont terribles dans ces parages. À quelques encablures se dressait Arvroar, une roche âpre et haute, ainsi nommée à cause de sa forme, qui est celle d'une vieille accroupie. « Voilà où il faut aborder, » dit le père. « Sous quai ferme, les enfants !» Il se pencha pour prendre au fond de la barque un rouleau de corde et en noua une des extrémités solidement autour de ses reins. Un ressac violent battait les flancs de la roche. Nous parvîmes cependant à le dompter. « Attrape, Job !» me cria le père en me lançant l'autre bout de la corde. D'un bond, au risque de se tuer mille fois, il avait sauté sur la roche. Notez au trou qu'il avait alors 57 ans, sonné, souple comme un chat, malgré son âge. « Filez la mare !» nous dit-il, « mais ne lâchez que si je vous l'ordonne. » Il nous avait souvent employés à des besognes de ce genre. Nous savions ce que nous avions à faire, nous maintenir dans les eaux calmes, sans toutefois que la mare se tendît au point d'entraver les mouvements de Yann et Grok. Nous restâmes là, penchés sur nos avirons, prêts au moindre appel. Arvroar était une des cachettes de recel pour la fraude, la plus dangereuse, partant la moins suspecte. Le navire que nous avions aperçu gagnant le large venait, sans doute, d'y déposer de la marchandise. Et c'était cette marchandise, emmagasinée dans une fente de la pierre comme dans une armoire, que le père dégageait avec précaution, de peur d'endommager les ballots. Nous le regardions aller, venir, extraire les paquets de toutes formes et les empiler sur une étroite corniche, au pied de la roche. Les douaniers, ma foi, nous n'y pensions guère. D'abord, ils ne paraissaient jamais dans l'île. Et puis, à moins d'une trahison, il ne pouvait leur venir à l'esprit de surveiller Arvroar. Sur les eaux assoupies régnait un vaste silence, un silence émouvant, tellement il était profond. Tout à coup, le bruit sec d'une détonation retentit. Je crois l'ouïr encore. Jacques, le frère aîné, avait baissé vivement la tête. « Père, dit-il, on tire sur nous, j'ai entendu siffler la balle. » Le père répondit, « Larguez la mare, hissez la voile et gagnez au vent. » « Mais vous » criâmes-nous d'une seule voix. « 1 000 000 000 de tonnerres, faites donc ce que je vous dis !» Il n'y avait pas à répliquer. Avec lui, il fallait obéir au doigt et à l'œil. Je larguais la mare, tandis que Jacques hissait la misaine et que Pierre empoignait le gouvernail. Tout cela fut l'affaire d'une seconde. Là-bas, dans les rochers de l'île, les torches s'allumaient. Un homme, muni d'un porte-voix, lança dans la nuit cette phrase en breton. « Ohé, oh, y a Negroc !» Nous savons que c'est vous. N'essayez pas de fuir. Nous mettons la péniche à vos trousses. Nous vous aurons cette fois, vivant ou mort, à votre gré. 8. Je vous redis la chose mot pour mot. Tous les détails de la scène me sont présents à la mémoire, comme si cela datait d'hier. Les gabelous ne doutaient pas que Yann et Grok ne fût dans la barque. Voyant que nous gagnions le large, ils nous détachèrent une seconde bordée de coups de fusil. Les balles passèrent au-dessus de nous, trouant le foc et la grand-voile. Le père, lui, nous criait « Lof ! Lof ! Serrez le vent !» Derrière nous, sur les houles calmes, la péniche des douanes semblait voler, enlevée à force de rames par des bras solides. Nous n'avions, nous autres, que des points de mousse ou de novice, des points de gringalet trop jeunes. Et, quant à la toile, elle nous gênait au lieu de nous servir, flasque et flottante, le long du mât, car c'était le moment de la basse mer, et le vent, en cette saison, ne monte qu'avec le flux. Entre la péniche, effilée comme une pirogue, et notre embarcation lourde et ronde comme un vrai sabot, la lutte était inégale. Nous nous sentions vaincus d'avance. Le père, sans doute, le comprit et se sacrifia. « Ohé, les gabelous! Si c'est le homard qu'il vous faut, à quoi bon courir après les crabes? Vous cherchez Yann et Grok? Il est ici, à votre disposition, messieurs. » Assis au pied du mât dont je tenais la drisse, je n'avais pas perdu de vue le rocher. Mon père m'apparut debout, sur la cime de pierre, avec sa haute silhouette noire, nettement dessinée sur le fond grisâtre du ciel, que les premières lueurs de l'aube commençaient à blanchir. La péniche cessa de nous poursuivre et vira de bord. Un des hommes, le patron, je pense, prononça « C'est bien lui ». Un autre dit, d'une voix goguenarde « Ah ah, Yann, nous t'y pinçons cette fois !»« Toi, Jean Karadec !» s'écria mon père, « tu as parlé trop tôt. Parions qu'où je vais, tu ne viendras pas me chercher. » En même temps, il faisait un grand signe de croix, comme ceci, tenez, comme ceci, je le vois encore, en vérité. Oui, et j'entends aussi sa prière, « Meo salud, Marie, Leuna has !» Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Cela dura peut-être une minute, pas même. Son oraison terminée, il dit « Kenavo, Eflamina !» Note « Au revoir, Eflamine !» Fin de note. Eflamine était le nom de ma mère. Cet adieu arriva jusqu'à nous, très distinct. Sur mer, la nuit, les moindres paroles ont d'étranges sonorités. Après cela, un plouf, et ce fut tout. Ni Jean Karadec, ni aucun de ses compagnons n'osèrent plonger là où venait de disparaître Yann et Grok. Ainsi mourut le grand fraudeur. La mer n'a jamais rendu son cadavre.